mich, Guso, Chris, Chris, Chris, Schuhe, Bekraft, jemand aus, Mach, Pocket, Cat, Rot, Simone, Kippe, Bruder, Sekret, Anne, Fischung. Wish, Wish, Wish, Guso, Heiß, Heiß, Heiß, Schuhe, Bekraft, jemand aus, Mach, Pocket, Cat, Rot, Simone, Kippe, Bruder, Sekret, Anne, Fischung. Wish, Wish, Wish, Guso, Heiß, Heiß, Heiß, Schuhe, Bekraft, du machst aus, noir, Gott, den Köln, Brot, Simon, Equipe, Bouillon, c'est que ta meuf est chaude. Wesh, wesh, wesh, Cousin, Heiß, Heiß, Heiß, Schuhe, Bekraft, du machst aus, noir, Gott, den Köln, Brot, Simon, Equipe, Bouillon, c'est que ta meuf est chaude. Un stylo, une feuille, à taille, charge ton identité. Rageuse, tu kiffes, nas, je m'en bats les couilles de ton affinité. J'écris les pires phases, banlieues à réhabiliter. Une seule question, mais qui es-tu pour pouvoir m'arrêter? I am the boss, t'es dans le passé de ton turfu. L'avenir est à moi, j'dis tous les rageux, eux-mêmes n'en peuvent plus. Contestataire, rappeur, approche ton casque de l'écran. Chevrotine, une voiture puissante et on te laisse au fond de l'étang. J'ai charclé la rue, balafré comme Franck Ribéry. Le sang rempli d'azote, j'quitte froid comme la Sibérie. C'est vulgaire, j'suis barbare, j'suis discret, tout fanfare. Coup de keuf, les gyrophares, j'suis arrivé, c'est trop tard. Comme la capitale, tout le monde sur moi parie. Ils chantent des caries tellement qu'ils pompent le flot des caries. Paniqué dans le studio, les rappeurs ont l'air idiots. J'ai le game dans le physio, ma musique je comme psycho. Wesh, wesh, wesh, cousin, hess, hess, hess. J'suis un bucrave du matin au soir quand tes keufs rôdent. Si mon équipe est bouillante, c'est que ta meuf est chaude. Wesh, wesh, wesh, cousin, hess, hess, hess. J'suis un bucrave du matin au soir quand tes keufs rôdent. Si mon équipe est bouillante, c'est que ta meuf est chaude. Défigure les prods, aucune chance pour les puristes. Si la rue parlait, j'ai milliardaire assuré tout risque. J'prends les problèmes à la racine quand toi tu causes. Frère, assure-toi, y'a que les jardiniers qui voient la vie en rose. Pas d'assaut, je déboîte, j'fais mal, j'remplis mes clauses. T'es ouvert, j'ai ouvert la route comme un drogué, faut ma dose. Parano, tu me vois incrédule, t'entends des voix. Je sens ma E quand toi tu fais la queue. Allô, pivois, fuck les patrins, seuls et chiteux. Se concerne, les bouffons me censurent mes propos, les consternent. Tête à tête, face à face, canard. Comme les westerns, wesh, frère, les keufs et les juges nous diabolisent et on laisse faire. Je déterre coup de taser, index surveille ta sœur. On a coup de fil et un blaster, coup de canon, ça n'a pas d'heure. My music, pareil qu'on doit faire nos preuves. Mon label est aveugle, tellement qu'on me porte l'œil. Wesh, wesh, wesh, cousin, hess, hess, hess. J'suis un bucrave du matin au soir quand tes keufs prônent. Si mon équipe est bouillante, c'est que ta meuf est chaude. Wesh, wesh, wesh, cousin, hess, hess, hess. J'suis un bucrave du matin au soir quand tes keufs prônent. Si mon équipe est bouillante, c'est que ta meuf est chaude. Rajeun, wesh, wesh, wesh. C'est bon.